cannot throw away, cannot throw away, girl. Colorful winds of the northern sky, it's the closest thing, and here is why. Cause for color, you blow me away, blow me away, girl. Énergie, il est 6h et nous avons trois fêtes à souhaiter aujourd'hui. Celle de Roland, il y a aussi Dolores et encore Lola. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour l'info, c'est Delphine, bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Attention, la baignade est interdite en baie de Châteaubriant à Lifou. En cause, une concentration d'une dizaine de squales de bonne taille. Le maire préfère être prudent. Le festival Les Couleurs de Deva est annulé. En cause, le non-respect du protocole d'accord tripartite. Le GDPL attend toujours la construction du village culturel Kanak qui est inscrit dans ce TEC. Le festival devait lui se tenir ce week-end. Une septuagénaire agressée par quatre chiens à Bouraille, ça s'est passé dimanche matin à Roche-Percée. Marceline, âgée de 73 ans, la victime a eu une partie du mollet arraché, l'avant-bras déchiqueté. Le Medipol ouvre ses portes au public. Les Calédoniens pourront visiter le futur complexe hospitalier de aujourd'hui jusqu'au 18 septembre. En métropole, un mineur de 15 ans qui s'était proposé pour une action terroriste a été interpellé mercredi dans le 20e arrondissement de Paris. Et puis le parquet a requis la condamnation de Jérôme Cahuzac à 3 ans de prison ferme pour son compte bancaire caché à l'étranger. Une condamnation à 2 ans de prison ferme a été requise à l'encontre de Patricia Cahuzac, sa femme. Et puis le gérant du bar Cuba Libre à Rouen ainsi que son frère ont été mis en examen. Rappelez-vous, cet incendie avait fait 14 morts au début du mois d'août. Des obligations de sécurité n'ont pas été respectées. Enfin, Hillary Clinton repart en campagne après un repos forcé de 3 jours. Et puis surtout, l'état du président et prix Nobel de la paix Shimon Peres restait toujours dans un état critique après un AVC, mais s'améliore. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Materio Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. Il y aura un voyage dans le temps tout à l'heure, dans notre série, une date dans l'histoire. Et ça va nous emmener le 15 septembre 1830, on sera en Angleterre. On reviendra dessus en détail, voici pour l'instant Katy Perry avec Rise. I won't just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story. So little faith, don't doubt it, don't doubt it. Victory.

ce que je craque, jusqu'à ce que mes valeurs s'effondrent et que je passe à l'acte. Alors calmement tout explose, il y aura l'avant et l'après, comme une dose d'adrénaline sulfureusement injectée. Puis je rentre tous les soirs, chaque fois un peu plus tard, avant chaque baiser, c'est la douche pour se dire bonjour et bonsoir. J'ai l'impression de devenir fou, c'est l'arythmie dans le myocarde. Est-ce que je perds pied? Est-ce que c'est bien la fin? Par le mépris, par la tristesse et par la rage, la voix cassée par les larmes. Tu veux connaître tous les détails, où, quand, comment, ce qu'elle a de plus que toi. Comme l'enfant désemparé, j'essaie de te prendre dans mes bras, mais la porte claque. Ma vie vient juste de voler en éclats. Le silence me tabasse quand je n'entends plus ta voix. J'essaie de prendre la mesure de l'étendue des dégâts, mais c'est trop tard. Sure I would. la semaine, rendez-vous dans le Morning d'Énergie. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. L'infomédia de ce matin, c'est du nouveau pour The Voice. En effet, il est sans doute le juré de The Voice le plus sympa et le plus souriant. Et pourtant, Garou serait sur le point d'être écarté du programme. En effet, l'arrivée de M. Pokora à la place de Garou serait déjà actée. Et Simon, l'implication du juré québécois dans l'émission trop faible. Shine, qui est la société de production de The Voice, ne lui a pas renouvelé sa confiance. On sait également que Jennifer ne serait pas dans la saison 6 et que rien n'est pour l'instant acté et rien n'est fait concernant Zazie. À suivre donc. Dans quelques instants, c'est la météo sur Énergie, il est 6h19. Énergie Nouméa, 93.5. L'apprentissage est, voilà le messager, pour l'apprentissage est. Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage est, voilà le messager, oh. Pour le carrelage et la faïence, moi, c'est Courtois Revêt-Sol. Revêtement sol et mur, carrelage, parquet, faïence et pierre. Courtois Revêt-Sol, carrefour du golfe de Tina, du lundi au samedi, 43 33 11 et sur plan NC. Courtois Revêt-Sol, le choix, la qualité, les prix. Samedi 17 septembre, dès 17h sur le circuit de Nakutacoin, participe à la course du 10e anniversaire du karting. Monte ton équipe de 4 à 8 pilotes et lâche-toi sur la piste pour 5 heures de course avec 1 heure d'essai avant. L'inscription est à 75 000 francs par équipe. La course d'endurance des 10 ans du karting, c'est samedi 17 septembre, dès 17h au circuit de Nakutacoin. À partir de 16 ans, plus d'infos au 76 39 40 ou sur www.karting.nc. Ça y est, je me suis fait un plan à 3. Non. Si, si. Et alors? Bah trop bien. Et en plus, j'ai fait des économies. Des économies? Mais oui, quand on le fait à plusieurs, c'est moins cher. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et à 4, c'est encore mieux. Oh bah je te connaissais pas comme ça. Va voir sur covoiturage.nc, tu comprendras. Sur quoi? Covoiturage.nc. Ah, ok. Le covoiturage, pour moi, pour toi, pour nous. Retrouvez aujourd'hui chez votre revendeur des nouvelles calédoniennes le magazine IMO, le mag CINC spécial Forum de l'Immobilier. Retrouvez tout le programme du Forum de l'Immobilier des nouvelles calédoniennes des 16, 17 et 18 septembre à la Maison des Artisans. N'oubliez pas, IMO le mag est disponible aujourd'hui chez votre revendeur habituel des nouvelles calédoniennes. IMO le mag, le magazine de l'immobilier des nouvelles calédoniennes et de la CINC, Confédération Immobilière de Nouvelle-Calédonie. Rejoignez-nous les 17 et 18 septembre à Lanzvata pour la Blues Cup Race. L'événement phare de l'année, le plus grand rassemblement de passionnés de glisse du territoire. Venez profiter de la plage pour vous initier gratuitement au windsurf, au stand-up paddle, au catamaran de sport et même à l'habitable. Renseignements au 79 72 75 en surfant sur le site www.amg.nc ou like la page Facebook Blues Cup Race. La Blues Cup Race, un événement ASPTT Nouméa Glisse avec la participation du Maridé, Vive, OPT, Lagoon, Total, Excellium, Aloha, Blues Cup et Energy. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Le point avec Météo France. Pour ce matin, le soleil s'impose largement sur le pays avec tout de même quelques nuages qui circulent sur le nord, le nord-est et ouvert et donnent parfois une ondée. Dans l'après-midi, grand soleil sur le pays avec seulement là encore quelques cumulus sur le nord et le nord-est. Le vent d'est à est-sud-est se maintient entre 15 et 20 nœuds sur le sud-ouest. 20 à 25 nœuds avec des rafales à 30-35 nœuds quand même sur la pointe nord et Belep. Il mollit entre 10 et 15 nœuds sur le sud-est et le sud. Les températures maximales sont comprises entre 24 et 29 degrés, voire 29 sur l'ouest. Demain, le soleil brille encore sur une partie du pays. Cependant, une bande nuageuse donne un ciel chargé et quelques averses d'abord sur Marais et l'île des Pins avant de progressivement remonter sur le sud, l'Ifou et le sud-est. Mais ça y est, le soleil est annoncé. Il sera même généreux pour samedi avec un vent faible qui s'établit ensuite entre 10 et 15 nœuds de sud-est et des températures qui sont stables. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens avec la nouvelle Subaru XV. L'aventure commence sur www.subaru.nc. Mon cœur est grave. without a change. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 04 04. Qu'est-ce qu'on pourrait bien gagner comme cadeau en allant se promener sur Lanzvata ce week-end? Eh bien, peut-être le Stand-up Paddle Sarbord et un voyage au Vanuatu. C'est en effet avec la 9e édition de la Blues Cup Race, dont Énergie est partenaire, qu'on vous donne rendez-vous sur le village de la Glisse. Vous y déposerez votre bulletin jeu, vous en trouverez aussi sur place et vous participerez au tirage au sort qui aura lieu, me semble-t-il, le mercredi en direct sur l'antenne d'Énergie. Mercredi qui suivra la Blues Cup Race. C'est donc encore une belle idée de promenade, d'activité et surtout des cadeaux avec Énergie. Il est maintenant l'heure de souhaiter une bonne fête à Roland, à Dolores et à Lola. C'est l'info qui arrive. Il est 6h30. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Attention, la baignade est interdite en baie de Châteaubriant à Lifou. Une concentration de squales suffisamment importante pour être inquiétante a conduit le maire à prendre un arrêté interdisant la baignade et la pratique d'activités nautiques. Les requins sont dans leurs éléments. On va patienter le temps qu'ils s'éloignent du rivage, a expliqué le maire. Une décision donc motivée par la multiplication des accidents ces derniers mois. Cet épisode rappelle également un bien mauvais souvenir, celui du décès d'une infirmière. C'était en 2007. L'accident s'était produit à quelques dizaines de mètres de la plage de Luangoni. Le festival Les Couleurs de Deva est annulé. Week-end consacré aux communautés du Caillou, les festivités qui devaient se tenir les 17 et 18 septembre à Guaro Deva n'auront donc pas lieu jusqu'à à nouvel ordre. Le festival promettait d'accueillir 7000 visiteurs. Dans un communiqué, la province sud, organisatrice de l'événement, a invoqué des raisons indépendantes de sa volonté. Les raisons en question, eh bien, le conseil coutumier Adjiaro, le district de Nice et le GDPL Mouéhara appellent à une mobilisation massive vendredi à partir de 5h sur le domaine en cause. Le non-respect du protocole d'accord tripartite, le GDPL attend toujours la construction du village culturel canin qui est inscrit dans ce texte. Et puis, il y a un mineur de 15 ans qui s'était proposé pour une action terroriste a été interpellé mercredi dans le 20e arrondissement de Paris. L'adolescent était en contact par Internet avec Rachid Kassim, membre de l'organisation djihadiste État islamique installée dans la région syro-irakienne. Ce Français de 29 ans est soupçonné d'être l'instigateur de plusieurs attentats ou tentatives d'attentats djihadistes ces derniers mois en France. Il serait notamment à l'origine de l'assassinat de deux policiers à Magnanville en juin, de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray à la fin du mois de juillet, dans lequel a été tué le prêtre Jacques Hamel, de la tentative d'attentat de trois jeunes femmes de l'Essonne interpellées également le 8 septembre à Boussy-Saint-Antoine. Et puis le parquet a requis mercredi la condamnation de Jérôme Cahuzac à 3 ans de prison ferme pour son compte bancaire caché à l'étranger. Scandale le plus retentissant du quinquennat de François Hollande, qualifié de mensonge d'État. Et une condamnation de 2 ans de prison ferme a été requis à l'encontre de Patricia Cahuzac. Les deux époux, on le rappelle, sont en instance de divorce. Enfin, l'ex-président et prix Nobel de la paix, Shimon Peres, restait mercredi dans un état critique après un accident vasculaire cérébral majeur qui, à 93 ans, fait craindre pour la vie de cette personnalité respectée en Israël comme à l'étranger. Mais selon les médecins, son état de santé quand même s'améliore. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 04 04. Sans plus tarder, l'horoscope sur énergie, les pile poil, 7h20. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Bellevue. Bonjour à tous, excellent jeudi 15 septembre, l'horoscope des béliers, ambiance tendue entre vous et votre conjoint, ni l'un ni l'autre n'apprécierait de perdre le contrôle. Taureau, vous serez un pilier de stabilité, vous serez aujourd'hui très investi. Gémeaux, vous éprouverez certaines difficultés d'adaptation, arrêtez de vouloir que vos amis soient parfaits. Si vous êtes célibataire, les cancers, profitez des moyens mis à votre disposition pour rechercher l'âme sœur. Lion, ne cherchez pas à être plus malin qu'il ne le faudrait, ça ne vous réussirait pas. Vierge, votre dynamisme est visible et rien n'altère votre bonne humeur. Pour vous les balances, tout ira pour le mieux. La configuration astrale vous gâte. Scorpion, vous ne devez compter que sur vous. Il règne un climat de rivalité auprès de vos collègues. Sagittaire, il faut trier les invitations qui se succèdent car vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Capricorne, votre vie conjugale est au beau fixe, les sentiments sont forts. Verseau, évitez de ressasser vos soucis, sortez, voyez du monde, les poissons. La personne qui vous est destinée est tout près, mais vous ne la voyez pas encore. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Bellevue. Life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm a lot of faith. This is how I feel. history. Kit out, c'est Dina à l'instant sur Énergie. Vite, le Morning Énergie. Avec Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 280404. C'est le prénom Dolores qui sera passé à la loupe dans un instant. On voit avec Delphine à la une de l'actualité à 7h. Eh bien, c'est le Medipol qui ouvre ses portes. Ça débute aujourd'hui. C'est en sujet de Clémentine Guenoir, retrouvée à 7h. Et nous avons donc Dolores, littéralement, le prénom est emprunté de douleur, de l'espagnol douleur. Il peut s'écrire avec ou sans accent. La meilleure année, c'est 1964, avec 277 naissances de Dolores cette année-là. En 2013, 13 filles ont reçu ce prénom et l'âge moyen de Dolores est de 59 ans. Du côté du caractère. Attractive et sophistiquée, les Dolores prennent soin de leur apparence et déploient un charme fou. Leur savoir-faire, leur joie de vivre les rendent sympathiques. Énergie Nouméa 93.5. Vous aimez rouler en vélo, roller, trottinette ou skate en toute sécurité? La voie côté mer de Lanzbata vous est réservée ce dimanche de 8h à 17h. Comme tous les troisièmes dimanches du mois, vous pouvez profiter maintenant d'un dimanche en mode doux sur Lanzbata. Plus d'informations sur nouméa.nc. Ville de Nouméa, partageons l'événement! Le Kaori a du COS, un espace conçu pour les professionnels des métiers du bois et de l'acier. Un vaste choix de boîtes coffrage, charpentes, panneaux et decks, mais aussi de poutrelles, tubes, profilés, tôles et d'acier laminé. Le Kaori, votre partenaire bois et acier à Ducos, 27 22 07 ou sur www.7.nc. Besoin de créer ou refaire votre salle de bain? Socaport, robinetterie avec Duravit et Hansgrohe, sanitaire et meubles de salle de bain. Choix, qualité et conseil dans tout l'univers de la salle de bain. Socaport Plexus à Ducos ou sur Facebook. Socaport, donnez un sens à votre décor. Profitez de moins 30% sur le rayon sanitaire jusqu'au 1er octobre. Pour un repas réussi, une seule recette, la Chaumière au quartier latin. L'ardoise du marché, les spécialités mijotées et une cuisine faite maison renouvelée chaque semaine. Profitez de la formule entrée plat ou plat dessert au choix à la carte pour seulement 2880 francs. Oui, vous avez bien entendu, 2880 francs midi et soir. Pour déjeuner sur le pouce, rendez-vous à la boutique traiteur du restaurant La Chaumière, sur place ou à emporter. La Chaumière, ouverte du lundi au samedi midi et soir au quartier latin. Réservation au 27 24 62. Demain vendredi, rendez-vous pour l'Afterwork Thank God It's Friday dans les jardins du DEC, complexe Château Royal. Avec DJ Agoriaz et DJ Tom Tom au platine. Thank God It's Friday. Au revoir, Mel Gibson au 41. Mais non, c'est pas Mel Gibson qu'il faut envoyer, c'est Mel Bourne. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Envoie Melbourne au 41. Énergie t'offre un aller-retour pour deux personnes pour Melbourne. Validité 6 mois. Envoie Melbourne au 41. Et pour 368 francs, gagne un cadeau de 145 600 francs. Envoie Melbourne au 41. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Tirage au sort le vendredi 30 septembre à midi en direct sur Énergie. Le futur c'est aujourd'hui. Un rendez-vous proposé par Canel, votre fournisseur d'accès internet, télé et téléphonie. Toutes les infos sur canel.nc. L'avenir, ce n'est pas de la science-fiction. Tous les jeudis, à partir de 17h, dans Le futur c'est aujourd'hui, partez à la découverte des technologies et des applications qui révolutionneront votre quotidien et feront bouger le monde. Le futur c'est aujourd'hui. Un rendez-vous proposé par Canel, votre fournisseur d'accès internet, télé et téléphonie. Toutes les infos sur canel.nc. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie. C'est de la bombe. Énergie, music only. Music only. I won't lie

The Killer avec Runaway. Avec un Coca-Cola bien frais, savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Savoure l'instant. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Les fêtes du jour sont celles de Roland, Dolores et Lola, et pile poil à 7h. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Opération portes ouvertes pour le Medipol, ça débute aujourd'hui. Et puis encore un mineur interpellé à Paris pour un projet d'attentat. Et enfin, Hillary Clinton repart en campagne. Jeudi 15 septembre, c'est Delphine qui présente l'info. Bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Et toujours d'abord cette info, la baignade est interdite en baie de Châteaubriant à Lifou. Une concentration de squales suffisamment importante pour être inquiétante a conduit le maire à prendre un arrêté interdisant la baignade et la pratique d'activités nautiques. Les requins sont dans leur élément. On va patienter le temps qu'il s'éloigne du rivage, explique-t-il. Une décision motivée par la multiplication des accidents ces derniers mois. Avec ce qui s'est passé à Bourayakoumak, on ne peut pas prendre de risques. Il faut agir de façon responsable et prendre un maximum de précautions. Point, fin de citation. Alors, cet épisode rappelle un bien mauvais souvenir, celui du décès d'une infirmière. C'était en 2007. L'accident s'était produit à quelques dizaines de mètres de la plage de Luangoni. La jeune femme nageait en compagnie d'une amie lorsqu'elle s'était fait mordre à la hanche et au genou droit par un requin d'environ 4 mètres. Le festival Les Couleurs de Deva est annulé. Week-end consacré aux communautés du Caillou, les festivités qui devaient se tenir le 17 et 18 septembre à Guaro-Deva n'auront pas lieu jusqu'à nouvel ordre. Le festival promettait d'accueillir 7000 visiteurs. Eh bien, dans un communiqué, la province sud organisatrice de l'événement a invoqué, je cite, des raisons indépendantes de sa volonté. Les raisons en question, eh bien, le conseil coutumier Adjiaro, le district de Nîmes et le GDPL Mouéhara appellent à une mobilisation massive vendredi à partir de 5h sur le domaine. En cause, le non-respect du protocole d'accord tripartite. Le GDPL attend toujours la construction du village culturel Kana qui est inscrit dans ce texte. De son côté, la province sud a promis la tenue d'une réunion d'information très prochainement afin de permettre à chacun d'être éclairé sur la situation. Une septuagénaire a été agressée par 4 chiens. Ça se passe toujours à Bouraille. Et oui, et ça s'est passé à la Roche Percée. Dimanche matin, Marceline, âgée de 73 ans, a eu une partie du mollet arrachée et l'avant-bras déchiqueté. Elle doit sa survie à l'intervention d'une voisine qui passait car il commençait à s'attaquer à la tête. Un autre voisin qui s'est fait également attaquer en lui portant secours. Apparemment, personne ne se méfiait des 4 chiens des voisins. Ces derniers, d'ailleurs, sont venus s'excuser. Ils ont été entendus par les gendarmes et ils auraient promis d'euthanasier leurs chiens. Marceline, elle, pense ses blessures encore sous le choc et n'ose imaginer si des enfants avaient été à sa place. Le Medipol ouvre ses portes au public. Les Calédoniens pourront visiter le futur complexe hospitalier du 15 au 18 septembre. Le Medipol est la plus importante infrastructure publique de Nouvelle-Calédonie. Il représente 80 000 mètres carrés sur un site de 13 hectares. Sa capacité à terme est de 528 lits et places. 200 personnes seront recrutées d'ailleurs d'ici avril 2018. On écoute Dominique Chevaux, directeur du CHT. L'objectif, c'est de présenter donc aux Calédoniens leur futur Medipol, donc qui ouvrira en novembre de cette année, donc pendant 3 jours de journée portes ouvertes. Donc l'objectif, c'est de leur faire visiter des parties de l'hôpital, dont certaines seront plus ouvertes au public d'ici quelques semaines, puisque comme le bloc opératoire. Le grand public pourra se rendre compte également de l'état d'avancement du chantier. Il pourra se rendre compte de l'état d'avancement, de la qualité des locaux, de la configuration des locaux. Après, bien sûr, tout le mobilier ne sera pas en place, puisque le mobilier, une grande partie actuellement sur Gaston Bourré et Magenta, mais il pourra se rendre compte de ce que va représenter le Medipol dans quelques semaines. Ça veut dire qu'en fin de compte, il y aura des groupes de 12-13 personnes toutes les 10 minutes, et le guide, ce seront des professionnels de santé, donc des infirmiers, des cadres infirmiers, donc des personnes qui connaissent le fonctionnement hospitalier et qui pourront répondre à leurs questions. Le premier patient à être accueilli le 13 novembre viendra du service d'hépato-gastro-entérologie, la dernière de la maternité. Ce sera mi-décembre. Dans le reste de l'actualité, un mineur interpellé à Paris pour projet d'attentat. Âgé de 15 ans, il s'est s'était proposé pour une action terroriste. Il a été interpellé mercredi dans le 20e arrondissement de Paris. L'adolescent était en contact par internet avec Rachid Kassim. C'est le membre de l'organisation djihadiste État islamique installée dans la région syro-irakienne, un Français de 29 ans, qui est soupçonné, on le rappelle, d'être l'instigateur de plusieurs attentats ou tentatives d'attentats djihadistes ces derniers mois en France. Il serait notamment à l'origine de l'assassinat des deux policiers à Magnanville en juin, de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray à la fin juillet, dans lequel le prêtre Jacques Hamel a été tué, et de la tentative d'attentat de trois jeunes femmes de l'Essonne interpellées jeudi 8 septembre à Boussy-Saint-Antoine. L'heure est aux réquisitions dans le procès de Jérôme Cahuzac. Et le parquet national a donc financier a donc requis la condamnation de Jérôme Cahuzac à 3 ans de prison ferme pour son compte bancaire caché à l'étranger. Il a également demandé que soit prononcée à son encontre une peine d'inéligibilité de 5 ans. Selon le parquet, aucune tolérance ne peut plus être admise vis-à-vis de la fraude fiscale, soulignant que les sanctions prononcées dans ces affaires de délinquance en col blanc étaient souvent inférieures à celles prononcées pour des délits moins graves, comme des vols simples. Une condamnation à 2 ans de prison ferme a été requise à l'encontre de Patricia Cahuzac également. On rappelle que les deux époux sont en instance de divorce. Le gérant du bar Cuba Libre à Rouen ainsi que son frère ont été mis en examen. Rappelez-vous, cet incendie avait fait 14 morts au début du mois d'août. Ils ont été tout de même remis en liberté sous contrôle judiciaire pour mise en examen pour homicide et blessure involontaire aggravée par violation délibérée d'une obligation de sécurité. En effet, dès les premiers éléments de l'enquête, il est apparu que des obligations de sécurité n'ont pas été respectées. Ainsi, des bougies d'anniversaire de type feu de Bengale ont embrasé de façon anormalement rapide l'isolant phonique sur les murs et le plafond. La porte de secours était fermée. L'escalier menant au niveau supérieur était particulièrement raide et étroit. Hillary Clinton repart en campagne après un repos forcé de 3 jours. Contrainte au repos après un malaise qui inquiétait le camp démocrate, Hillary Clinton, défendue par le président Barack Obama contre des critiques injustes, doit donc reprendre sa campagne ce jeudi. L'ancienne secrétaire d'État traverse une mauvaise passe, critiquée pour son absence de transparence initiale sur sa pneumonie. Elle est triée depuis plusieurs jours par le camp républicain pour avoir affirmé que la moitié des électeurs de son adversaire Donald Trump étaient des gens, je cite, pitoyables. L'état de santé de Shimon Peres s'améliore. L'ex-président et prix Nobel de la paix resté mercredi dans un état critique après un accident vasculaire cérébral majeur qui à 93 ans fait craindre pour la vie de cette personnalité respectée en Israël comme à l'étranger. Mais selon les médecins, ça s'améliore. Et on terminera par l'info insolite. Et JB, à travers cette insolite, c'est l'occasion pour moi d'aborder un problème important. C'est le problème du harcèlement olfactif. Alors, qui s'est capété ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est les qu'est-ce mauvaises que ça odeurs. Peut être ? Ouais, les mauvaises odeurs en ville. Entre collègues. Entre collègues, ah bon. Tu te sens pas trop visé, ça va ? Pas du tout, du tout. Eh oui, c'est quand ton collègue sent mauvais et qu'on ne sait pas comment lui dire. Ok, tu te sens toujours pas visé. Eh bien, figure-toi qu'il y a une société. Ça commence à m'énerver, celle-là. Il y a une société japonaise qui propose des séances de formation pour aborder le problème. Eh oui, lorsque tu as un collègue qui sent mauvais, c'est assez délicat de lui dire, t'es d'accord. Il y a des formations. Il y a une autre société de produits d'hygiène qui enseigne, elle, les bonnes méthodes pour le traitement des odeurs. Il faut savoir qu'au Japon, c'est un pays tu sais, où la propreté, c'est très, très important pour eux et ils sont en guerre contre ce type de harcèlement. Alors, le problème du harcèlement olfactif, ça va de la transpiration. Oui. Ok. À un fumeur invétéré, tu sais, qui sent vraiment la cigarette, ou alors encore une personne qui est trop parfumée, ça dérange d'autres personnes. Ça peut arriver. Mais on fait comment alors pour lui dire ? Bah, comment on fait pour te le dire ? Tu sais ce que t'as toujours dit ? Oh, mais arrête ! Bon, on va suivre le cours de formation parce que c'est vrai que c'est toujours délicat. En tout cas, voilà, c'est plutôt marrant. C'est une façon d'aborder les choses. Et ils expliquent qu'en fait, ça te permet une plus grande tolérance. Ouais. Voilà. Ils ont d'autres catégories de harcèlement. Alors, le harcèlement alcoolique, tu sais ce que c'est ? Bah, commence pas à dire que je picole. C'est lorsque tu forces un collègue à boire. Ah. Et le harcèlement du karaoké. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Ah bah, c'est quand tu t'obliges quelqu'un à chanter. Quand tu obliges quelqu'un au karaoké. C'est dur hein, là-bas. Ouais, d'accord. Il y a des formations pour tout, voilà. Et donc on n'a pas les réponses, alors comment on fait pour dire aux gens qui... Ah bah il faut suivre la formation, tu crois qu'ils vont donner les secrets ? T'as ceux qui puent de la bouche et tout ça, t'as oublié... Ouais, d'accord. Tu veux un bonbon ? Mais arrête ! Prends Mais je suis sûre qu'il y a plein de gens dans leur voiture qui se disent ah, moi ça m'aiderait beaucoup. Et on n'a toujours pas la réponse. Tu nous as soulevé un lièvre là. Mais... Ah non, je te dis juste qu'ils font des formations pour ça, carrément. D'accord. Ça va loin. Eh ben allons au Japon alors. Sinon, on peut aérer la pièce.

29 ans, est soupçonné d'être l'instigateur de plusieurs attentats ou tentatives d'attentats djihadistes ces derniers mois. Il serait notamment à l'origine de l'assassinat de deux policiers à Magnanville en juin, de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray et puis de la tentative, d'attentats de trois jeunes femmes de l'Essonne interpellées jeudi 8 septembre à Boussy-Saint-Antoine. Le parquet national financier a requis mercredi la condamnation de Jérôme Cahuzac à 3 ans de prison ferme pour son compte bancaire caché à l'étranger. Puis une condamnation de 2 ans de prison ferme a été requise à l'encontre de Patricia Cahuzac. On rappelle que les deux époux sont en instance de divorce. Et puis pour terminer, l'ex-président et prix Nobel de la paix Shimon Peres restait mercredi dans un état critique après un accident vasculaire cérébral majeur qui a 93 ans fait craindre pour la vie de cette personnalité respectée en Israël comme à l'étranger, mais son état de santé quand même s'est un petit peu amélioré. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. détendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis du lundi au samedi. Voici Farid dans le rendez-vous gag. On l'avait déjà entendu il y a un peu plus de 2 ans dans le Comedy Club de Jamel. Le voici sur la scène du Montreux Comedy Festival. Après tout, j'ai conscience de mon physique, ok. Je sais que je suis pas moche. Non, je suis pas moche. On prend pour un gay des fois, mais je le suis pas aussi, je préfère le préciser. Non, ça tu rigoles pas à ça, s'il te plaît. Non, je suis pas gay, je préfère le préciser parce qu'il y a pas si longtemps que ça, il y a un gay qui m'a pris pour l'un des siens et ça m'a fait très mal. Pas dans ce sens-là, sois pas dégueulasse comme ça, sois pas. Non, je suis pas gay, mais j'ai un rapport très féminin aux habits, ok? Je sais par exemple, pour vous, mademoiselle, il y a rien de pire que d'arriver à une soirée et il y a une autre nana qui a exactement la même robe que vous, c'est vrai ou pas? Et bah ça, moi, ça m'est déjà arrivé, ok? Je portais pas de robe, sois pas débile. Écoute, j'arrive à une soirée et je vois quelqu'un qui a exactement la même veste que moi ce jour-là. Exactement la même coupe de cheveux que moi. C'est ce qui m'a rendu fou? C'est que c'était une meuf, putain. Moi, je savais même pas que c'était une veste de fille que je portais. Tu sais, je l'avais acheté chez H&M. Déjà, chez H&M, c'est pas vraiment séparé homme et femme, d'accord? C'est pas vraiment séparé, ok? Tu prends un escalator, tu te retrouves rayon femme, ça va très très vite, ok? Ça va très très vite. Si tu commences à regarder, t'essayes une jupe, ça va super vite, ok? Ça va super vite. Moi, ça me rend fou. Tu sais, même à la télé, quand je descends avec les mêmes habits, comment ça me rend fou? La dernière fois, je regardais Secret Story. Ouais, parce que je regarde. Ouais, je regarde. Je t'emmerde. Attention. Que ce soit très clair entre vous et moi. Quand je dis que je regarde Secret Story, il y a ceux qui regardent quand ils ont du temps à tuer et ceux qui regardent quand ils tombent dessus. Moi, ça n'a rien à voir. Je regarde tous les jours, ok? Je regarde les replays, ok? Je peux pas assumer ça au jour le jour. Tu sais, moi, je regarde même pas la télé en temps normal. Et là, des fois, j'organisais la fin de ma journée en fonction de ça. Et tu sais, des fois avant, je suis avec des gens. Et je peux pas leur dire pourquoi je m'en vais. Non, parce que j'ai rendez-vous en fait chez moi à 18h10 et c'est secret, ok, c'est secret. On m'a proposé Secret Story, moi, c'est vrai, ils m'ont proposé Secret Story, ils m'ont dit ton secret ce serait je ne suis pas gay. Moi, je me suis dit, c'est super lourd à porter comme secret. C'est-à-dire que pendant 3 mois, je devais faire croire à tous les candidats que je suis gay. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment dans l'aventure où je devrais être stratégique. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais pas finir cette phrase, ok? Je vais pas finir cette phrase. Faut arrêter de prendre la télé-réalité au sérieux, ok? C'est du divertissement. Il faut arrêter de prendre la télé-réalité au sérieux. Vous savez qui a été la personnalité la plus détestée des Français en 2013? Nabila Benatia. Oui? Elle a un nom de famille. Nabila, la plus détestée des Français. Alors là, on est content. On va pouvoir reparler de Nabila parce qu'elle a soi-disant poignardé son mec. Hein? Ah, on est content. Ah, t'as vu, elle a poignardé son mec. J'avais raison, c'est vraiment une arabe. Je comprends pas comment on peut... Non mais, déjà les mecs, arrêtez de faire semblant, d'accord? Genre, ouais, non mais moi, c'est pas du tout mon genre. Elle est pas du tout naturelle. Elle est toute refaite. Excuse-moi. Refaite comme ça, ça vaut le coup, d'accord? Moi, je veux connaître le magasin où elle a acheté ses seins, ok? Pas pour ma meuf, non. Pour chez moi, en bibelot, quand j'ai rien à faire. Je jonglerai avec, d'accord? Nabila, la plus détestée des Français, ça veut dire plus que Éric Zemmour. Il est même pas dans le top 10, ce bâtard. J'ai vérifié. Quel mec en France va faire passer une soirée avec Éric Zemmour plutôt qu'avec Nabila? À part Éric Zemmour. On la déteste juste parce qu'elle a dit une phrase débile, c'est ça? Hein? C'est vrai qu'en France, on déteste tout ce qui a l'air débile, ok? C'est vrai que François Hollande, il a une tête de mec malin. Tu sais, moi je suis parti des gens, applaudis pas tout seul, c'est ridicule. Écoute, moi je fais partie des gens, j'ai pas honte de le dire, je fais partie des gens qui auraient préféré DSK, ok? Parce que c'est une question de charisme. Et puis en plus, il est juif, je trouve ça plus rassurant, tu vois? Eh. Oh putain, l'ambiance de merde. Eh. Hey, j'ai dit juif, c'est pas un gros mot, ok? Vous inquiétez pas, personne va débarquer. Débarquer, c'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot. Non, c'est pas. C'est quoi? Écoute, François Hollande, entre nous. Je dis pas qu'il est débile, ok? Je me permettrai pas. Je dis juste que si je le connais pas, physiquement, il m'inspire pas confiance. sais, moi je lui confierais pas ma vie. Tu sais, moi j'ai pas peur en avion. Mais si je rentre dans un avion et le pilote il a la tête de François Hollande, je prends un bus, ok? Je fais autrement. Merci beaucoup. Délire et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together? La journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28-04-04. À suivre au cours de cette matinée, Van der Kroot qui nous dira qui a inventé l'email. Et puis, à question en musique, on aura l'excellent trio Big Ali, Corneille et Youssoufa pour Cœur de Guerrier. Et à suivre encore une nouveauté énergie, The Strumbrellas avec Spirits. L'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est l'ami d'Empico. Ramco, de nouveau disponible chez Alto Marine.

s'il est bien deux choses que les Américains lègueront à la postérité, c'est le coca et l'email. En 1971, Ray Tomlinson, ingénieur de son état, travaille sur l'ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Il développe un programme qui permet à plusieurs personnes de s'envoyer des messages sur un même ordinateur. En parallèle, un second programme sert à envoyer en même temps un même fichier sur plusieurs ordinateurs connectés en réseau. Ray combine les deux et baptise son œuvre Netmail, mais ne se souvient plus du premier message qu'il envoie. Oh, j'ai ma carte mémoire qui flanche un petit peu. La dénomination email n'interviendra qu'en 1982. Vous répondez jamais aux miens, professeur. Normal, ils arrivent dans le dossier indésirable. C'est pas pour rien quand même. Ah, d'accord. Sachez que le premier chef d'État à avoir envoyé un courrier électronique n'est autre que la reine Elisabeth en 1976. Lol, je kiffe le pudding. Plus de 3,5 millions de mails sont envoyés chaque seconde dans le monde. Un chiffre qui va doubler d'ici 2 ans. Et vous savez quoi, Bernardin ? Non ! 80% de ces mails sont des spams ! Il a que ça à faire de ces journées, votre copain, là ! Vous saurez tout dans la minute du professeur Vanderkroot. Avec Cuisine Plus, chez Socapor Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. Les sœurs me trouvent sympa. Elles savent que j'ai dû passer de la cave à l'Olympia. Fuir mon empire, devenir un gaillard. Monter sur scène, succès, mettre le fire. Et si les petits frères me considèrent comme une icône, appelle-moi Cool Gen, un mec music for my people. Pour mailler musique dans ma disco, je suis la réincarnation de Biggie Smalls. Et je milite pour la même gimmick, vétéran et différent, sky of the limit. Juste une envie d'en sortir avec mention. D'une vie âpre, j'ai appris mes leçons. Après maintes et maintes défaites, lésions. Ce qui ne m'a pas tué m'a rendu plus fort. Petit frère, n'écoute pas ce qu'il comporte. Sache que qu'importe les portes qui se ferment, les tiens te supportent comme le dernier des Mohicans.

condamnation de Jérôme Cahuzac à 3 ans de prison ferme pour son compte bancaire caché à l'étranger. Et une condamnation de 2 ans de prison ferme a été requise à l'encontre de Patricia Cahuzac. Le gérant du bar Cuba Libre à Rouen ainsi que son frère ont été mis en examen. Rappelez-vous, cet incendie avait fait 14 morts au début du mois d'août. Des obligations de sécurité n'ont pas été respectées. Enfin, Hillary Clinton repart en campagne après un repos forcé de 3 jours et puis l'état de santé de Shimon Peres s'améliore. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. La Ligue des Champions tout d'abord. Il faut retenir une chose, la soirée a été parfaite pour le foot français. Monaco s'est imposé 1-2 à Wembley face à Tottenham et Lyon déroule contre le Zagreb 3-0. Enfin, le Real Madrid a gagné 2-1 contre le Sporting CP. Les Français cartonnent aux Jeux Paralympiques. Et le Français Maxime Vallée décroche donc la médaille de bronze au fleuret catégorie B. La délégation handisport française compte désormais 15 médailles aux Jeux Paralympiques. 4 d'or, 3 d'argent et 8 de bronze. La France est 20e au classement des nations. En Coupe Davis, Gaël Monfils est forfait pour la demi-finale contre la Croatie. Et ce sera sans Joe, Wilfried Tsonga ni Gaël Monfils. Et ça va commencer à faire beaucoup. Hein. Monfils, le demi-finaliste de l'US Open la semaine passée, a donc déclaré forfait à son tour pour la demi-finale de la Coupe Davis qui aura lieu à partir de vendredi face à la Croatie. C'est le capitaine Yannick Noah qui a annoncé la mauvaise nouvelle. L'homme fort des Bleus, ça sera donc Lucas Pouille. Et puis il y a un nouveau boss à la tête de l'UEFA. Et le successeur de Michel Platini, président déchu de la Confédération Européenne de Foot, est le Slovène Alexander Seffrin. Il fêtera ses 49 ans bientôt. Il est dirigeant d'un grand cabinet d'avocats de Slovénie et président de la Fédération de Foot de son pays depuis 2011. Le nouveau président a été élu donc pour une durée de 2 ans et demi, temps du mandat qui restait en fait à Michel Platini, suspendu par la justice interne de la FIFA. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Tous les matins, de 8h à 9h, dans Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec FitZone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos au 24 16 80. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Elle faisait ça timide, elle voulait mais pas oui, parler. Oui. J'ai une bonne nouvelle, écoute ça. Écoute. Tu te rappelles de ça? Oui. It's fantastic. Après, j'ai la souffrance quand même. Ah bah oui, bah ils vont se reformer. Ah non, c'est ça la bonne nouvelle? Écoute. On n'a pas les mêmes notions de la vie. Hein. C'est comme ça le matin. Quel jour on est? Pour toi, c'est une bonne nouvelle. Comment il s'appelait ce groupe? À quoi ils vont se reformer pour faire une petite tournée pour fêter les 20 ans de Barbie Girl quand même. Ça a été un tube ce truc. Ouais. Français. Oh, stop. Allez, t'en as marre, hein? Non, allez, aujourd'hui, on va écouter Speeding Cars pour démarrer ce très joli slow. Et on écoutera aussi Joseph Salva, Red One. Vous allez jouer avec nous, tiens, pour gagner des places de cinéma. Deux places de cinéma avec le Ciné City. Attends, je m'entends plus. Deux places de cinéma, c'est pas nous, ça allait, c'était bon. Ah, tu veux encore? Non. Stop la torture. Tu envoies Barbie au 3511. Ou à quoi? Ou Ciné. Ciné au 3511, c'est bien. 231 francs le SMS. Allez, bienvenue à tous. So if I stand in front of a speeding car, would you tell me who you are and what you like? What's on your mind if I get it right? Our love that no one knows, and this secret's all that we've got so far. The demons in the dark lie again, play pretend like it never ends. This way no one has to know. Even a half smile would help slow down the time. If I could call you half mine, maybe this is the safest way to go. We're singing hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. This is the safest way to go, nobody gets hurt. We're singing hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. You go back to him and then I'll go back to her. So if I stand in front of a speeding car, would you give your little heart? Say the word, I'll do it too. Just me and you, this way everyone will know. Cause this secret's all that we've got so far. The demons in the dark lie again, play pretend like it never ends. This way no one has to know. Even a half smile would help slow down the time. If I can call you half mine,